Section 117 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 117, Notes et pensées, par Jules Trouba. On est généralement plus dans la vérité quand on voit en noir qu'en rose. Les gens sérieux sont ceux qui font le plus sérieusement des sottises. En France, on pardonne moins vite un écrit qu'un crime. Tout ce qu'un parti reproche à l'autre, il le commet à son tour quand il est au pouvoir. La société aime mieux les gens se contrefaisant que les gens naturels. L'essentiel est d'oublier la vie en travaillant. Les heures passent vite quand on s'absorbe dans une occupation qu'on aime. On en perd le sentiment des jours et des nuits. De même que l'appétit vient en mangeant, les idées viennent en travaillant. L'exemple du bien est contagieux, comme l'exemple du mal. Les gens délicats sont plus susceptibles que les autres. Ils ont l'épiderme plus sensible. Les sots veulent avant tout paraître intéressants. Les esprits, dits positifs, sont surtout intéressés. L'hiver est la saison des riches. Les pauvres n'oublient leur misère que l'été et se font illusion en cette heureuse saison. L'hiver les ramène à la dure et froide réalité. Comment chanter les douceurs du coin du feu quand on y regarde à deux fois avant d'acheter du charbon et du bois? On fait le style se jeter à l'eau tout d'abord, et de quelque manière qu'on nage, pourvu qu'on traverse la rivière, peu importe. Les malins se distinguent surtout dans ces circonstances en ce qu'ils ne croient point à ce qui est trop simple, tandis qu'ils ajoutent foi aux plus énormes balourdises. Il n'y a pas de différence entre la méchanceté et la sottise, quant aux conséquences. La première des délicatesses consiste à respecter celle des autres. Les sots ont toujours réponse à tout. On n'a jamais le dernier mot avec eux. Les gens d'esprit savent s'avouer battus en se taisant. Fin de la section 117, Luparisade.